Graines d'avenir. Au lieu de courir vers la peur, la paix éclorerait avec douceur. Le monde vivrait sans douleur si toutes vos bombes étaient des fleurs. Et si toutes vos armes étaient des semences, le monde se nourrirait en abondance. Au lieu de courir vers la souffrance, la paix grandirait en toute confiance. Si toutes vos bombes étaient des graines, le monde mangerait à sa faim. Au lieu de courir à sa faim, la paix fleurirait dans toutes nos plaines, dans tous nos jardins. Dans un monde où règne la guerre, les cœurs se brisent, les âmes errent. Mais si les bombes devenaient lumière, la vie renaîtrait douce et fière. Bombes étaient des graines, le monde mangerait à sa faim. Au lieu de courir à sa faim, la paix fleurirait dans nos plaines. Les enfants joueraient dans les champs sans crainte des bruits assourdissants. Les rires remplaceraient les chants guerriers de la violence et des tourments. Vos bombes étaient des graines, le monde mangerait à sa faim. Au lieu de courir à sa faim, la paix fleurirait dans nos plaines et nos jardins. Les arbres pousseraient majestueux sous un ciel bleu et radieux. Les oiseaux chanteraient heureux dans un monde enfin harmonieux. Étaient des graines, le monde mangerait à sa faim. Au lieu de courir à sa faim, la paix fleurirait dans nos plaines. Les rivières couleraient cristallines, portant la vie douce et divine. Les hommes vivraient sans rancune, dans une paix enfin sereine. Et si toutes vos bombes étaient des fleurs, le monde vivrait sans douleur. Au lieu de courir vers la peur, la paix éclorerait avec douceur. Avec douceur, les fleurs écloreraient, colorées dans un jardin de fraternité. Les cœurs seraient enfin apaisés dans un monde de solidarité. Toutes vos bombes étaient des graines, le monde mangerait à sa faim. Au lieu de courir à sa perte, la paix fleurirait dans nos plaines. Et les rêves deviendraient réalité dans un univers de bonté. Les guerres seraient oubliées dans un monde de prospérité. Toutes vos bombes étaient des fruits, le monde goûterait à la vie. Au lieu de courir vers l'oubli, la paix germerait sans répit. Un avenir radieux se dessine, où l'amour et la paix dominent. Les bombes ne sont plus que des ruines, dans un monde où l'espoir illumine. Illumine, et si toutes vos bombes étaient des graines, le monde mangerait à sa faim. Au lieu de courir à sa perte, à sa faim, la paix fleurirait dans nos plaines et dans nos jardins. Graines d'avenir,